إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue, aujourd'hui c'est le cours 17 dans l'explication du livre الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. Et on continue donc dans la réponse du Cheikh et la réfutation du Cheikh au sujet de ceux qui nient qu'est-ce qui a rapport avec la peine pour l'apostasie dans l'islam. Et ça fait partie donc, comme on a expliqué, de la réfutation des paroles de Mustafa Mashhour, un des chefs des Ikhwan, qui défendait la liberté de croyance et qui disait que dans l'islam il y a une liberté de croyance ou une liberté de religion et ainsi de suite. Donc le cheikh il réfute cette idée là. Puis juste avant d'entrer dans la lecture du texte du cheikh, c'est que souvent aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate de la part de certains soi-disant penseurs islamiques à notre époque, des soi-disant islamologues, ils essaient de faire comprendre que dans l'islam, il n'y a pas de peine pour l'apostasie. Ils essaient de nier la peine de l'apostasie dans l'islam, alors que c'est quelque chose qui est, comme on a expliqué, qui est majmou, alayh. C'est quelque chose au sujet de laquelle il y a une ijma, c'est-à-dire un consensus. Donc, on ne peut pas remettre ça en question ou le nier. Et certains d'entre eux, ils essaient d'utiliser des arguments pour essayer de nier ce verdict de l'islam. Et parmi les arguments qu'ils présentent pour essayer de nier ce principe de l'islam, c'est le verset dans Surat al-Baqarah 256, dans lequel ils disent la ikraha fi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Donc, eux, ils se basent sur ce verset-là, le verset qui dit « Il n'y a pas de contrainte en religion ». Et ils pensent que le fait d'appliquer la peine d'apostasie sur les personnes qui sont sorties de l'islam, soit volontairement ou soit involontairement, en quittant l'islam et en choisissant une autre religion, ou bien uniquement en ayant commis des actes de kufr ou de shirk, qui font sortir quelqu'un de l'islam. Donc, si quelqu'un sort de l'islam pour ces raisons-là, eux, ils disent, ça, c'est quelque chose qui est en contradiction avec la liberté de croyance, puis la liberté de conscience, puis ils essaient de faire croire que ces deux principes-là sont des principes qui font partie de l'islam. Et ils se basent sur le verset « La ikraha fi din ». Toutefois, le verset « La ikraha fi din » n'a rien à voir avec la question de l'apostasie. C'est un verset qui concerne les non-musulmans. C'est un verset qui concerne les non-musulmans qui ne doivent pas être forcés à entrer dans l'islam. Et ce verset-là, quand on regarde dans les livres de tafsir, quand les ulama ont expliqué des choses à ce sujet-là, ils ont mentionné justement que quand on parle de la question de la contrainte des non-musulmans à l'islam, il y a tout le sujet dont on a parlé dans les cours passés, la question du djihad et la question de la jizya pour les gens du livre. Donc les gens qui ne sont pas contraints à entrer dans l'islam, c'est ceux qui paient la jizya et qui habitent dans un pays musulman et ceux avec qui les musulmans ont une entente de paix. Ceux-là, il n'y a pas de contrainte pour les faire entrer dans l'islam. Toutefois, ceux qui sont musulmans et qui ont témoigné de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou bien les mushrikin, on dit, premièrement, les musulmans, eux, ils sont obligés d'appliquer ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et on doit ordonner le bien et interdire le mal entre musulmans, et justement interdire tout ce qui est interdit par l'islam et ordonner tout ce qui est ordonné par l'islam. Si un musulman présente des croyances ou des pratiques qui sont contraires au fondement de la religion, bien entendu, il est sous la menace, et dans ce cas-là, s'il y a un gouvernement musulman, ils doivent appliquer sur cette personne-là la peine de l'apostasie, et on doit lui demander en premier de se repentir, hein, pendant un certain nombre de jours, et puis par la suite, s'il refuse de se repentir, alors il va devoir être exécuté selon les peines de l'islam dans un pays musulman et sous l'ordre du juge musulman après avoir été jugé, bien entendu. Donc ça, c'est pour le musulman. La même chose pour un musulman qui refuse d'appliquer certaines règles obligatoires de l'islam, ou bien qui veut commettre certains péchés publiquement ou ouvertement. Bien entendu, il y a des lois dans l'islam qui interdisent à quelqu'un de faire des choses comme ça. Et bien entendu, c'est pas vrai que tout le monde peut faire ce qu'il veut, puis qu'on laisse chaque personne à sa liberté et à sa conscience et à son libre arbitre. Non, bien entendu, il faut interdire le mal dans la société, et ça, c'est obligatoire pour ceux qui ont une autorité dans le pays, soit les policiers ou bien les gens qui sont désignés par l'État pour interdire ces choses-là. Ils sont obligés de le faire, et bien entendu d'arrêter les personnes ou de les faire stopper ou de les faire arrêter lorsqu'ils font des actes qui sont contraires à l'islam, qui sont des péchés dans la société. Et si c'est des mouchriquines, ben on sait que les musulmans, si ce sont des mouchriquines qui n'ont pas d'entente de paix avec les musulmans, et que les musulmans ont la capacité, dans ce cas-là, les dirigeants des pays musulmans, ils ont l'obligation dans l'islam, bien entendu, de faire le djihad contre eux jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les choses qu'on a expliquées dans le dernier cours, puis les règles du djihad sont bien connues dans l'islam, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est dans les livres de fiqh, et dans les livres de hadith, et dans le Coran, et c'est des choses claires. Donc, mais c'est juste pour spécifier que cette idée que le verset la ikraha fid din, ce serait quelque chose que ces gens-là utilisent ça pour essayer de dire qu'il n'y a pas de peine d'apostasie, parce que c'est contre la liberté de conscience et que c'est une sorte de contrainte. Comme le cheikh Saleh Al-Fawzan, il a expliqué, c'est que c'est pas le but de la peine de l'apostasie, c'est pas pour contraindre les gens à l'islam. Le but de la peine de l'apostasie, c'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger la croyance islamique et pour protéger la religion musulmane, pour pas que des gens rentrent à l'intérieur et commencent à déformer et à changer la réalité de l'islam, et commencent à inventer des choses ou à nier des choses qui sont claires dans la religion. Sans la peine de l'apostasie, n'importe qui peut commencer à prétendre n'importe quoi et à transformer et à jouer avec la religion, et peut s'amuser avec la religion comme si c'était un jeu, rentrer, sortir, changer de religion comme on change de chemise, comme on dit. Donc la religion, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux, et lorsque quelqu'un prend cette décision de suivre cette religion-là, eh ben c'est une religion qui, c'est un choix qu'il fait, et il sait que c'est sa vie qui en dépend. Et comme le cheikh il explique, c'est que ça, c'est quelque chose qui a rapport en plus avec l'akhira. Non seulement il y aura une peine, une punition pour la personne qui a apostasié au jugement dernier et qui sera dans l'enfer, mais même dans cette vie, hein, pour faire comprendre aux hommes que la religion, c'est pas un sujet de jeu, c'est pas une blague, c'est pas quelque chose d'une risée, c'est quelque chose que t'as la liberté de la choisir. Si tu prétends que t'as la liberté de la choisir, hein, et dans ce cas-là, tu dois prendre en considération qu'il y a une conséquence à cette liberté-là, et que le choix que tu fais, c'est pas un choix que tu prends à la légère, c'est quelque chose que tu prends au risque de ta vie, dans le sens que tu défends cette aqida et tu crois en cette aqida, c'est parce que tu y crois et que tu es prêt même à donner ta vie pour cette aqida d'une certaine façon, et tu acceptes la vérité avec conviction et avec compréhension et avec connaissance, bien entendu. Donc, celui qui, en apparence, montre qu'il est musulman, mais qui cache sa mécréance à l'intérieur de son cœur, celui-là, on l'appelle dans l'islam un munafiq, un hypocrite. Tandis que celui qui dit des paroles de mécréance ouvertement, alors celui-là, c'est un kafir, excepté s'il est sous la contrainte. Excepté s'il est sous la contrainte et qu'il est menacé de la part des koufars et qu'on le force à dire des paroles de kufr. Dans ce cas-là, il est excusé. Dans ce cas-là, s'il a dans son cœur la foi, mais qu'il est contraint à dire des paroles de kufr. Donc, c'est juste pour faire comprendre que l'apostasie, c'est pas pour contrainte, mais c'est pour protéger la aqida de l'islam. Donc, on va lire maintenant les paroles du cheikh qui explique que dans l'islam, justement, il y a une ijma au sujet de la peine de l'apostasie et qu'il y a seulement deux questions au sujet desquelles il y a eu des divergences d'opinion entre les savants. C'est la question de la femme qui apostasie et la question de l'istitaba, c'est-à-dire est-ce qu'on doit demander à la personne qui a commis un acte d'apostasie de se repentir ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit être exécuté sur le champ ou bien on doit lui donner un délai pour réfléchir et pour se repentir avant de l'exécuter. Et donc, ça, c'est les deux questions au sujet desquelles il y a eu des divergences d'opinion au sujet de l'apostasie. Mais la question de la peine de l'apostasie elle-même, est-ce qu'on doit l'exécuter, celui qui apostasie ou non, il n'y a pas de divergence d'opinion entre les savants à ce sujet-là, contrairement à ce qu'a prétendu Tariq Ramadan et son oncle Jamal al-Banna et d'autres parmi ces catégories de Ikhwan qui nient la réalité de l'islam par rapport aux principes de l'islam. Ils veulent nier la réalité de l'islam pour satisfaire les idées des kuffars. Et parmi les mensonges qu'il a dit également, c'est qu'il essaie de prétendre que la peine de l'apostasie, les questions d'apostasie sont reliées uniquement à la guerre et que c'est uniquement des questions qui ont rapport avec la guerre. Et ça, c'est faux. C'est vrai que dans les temps de guerre, il y a souvent de l'apostasie, mais c'est pas quelque chose qui se limite uniquement au temps de guerre. Il y a aussi des exemples dans la Sunna où on voit que des personnes ont apostasié de l'islam alors que c'était pas des moments de guerre et les sahaba ont appliqué sur eux la peine de l'apostasie. Et donc ça, c'est un point qui doit être très clair et très bien compris. Toutefois, qu'est-ce qu'on remarque de la part de Tariq Ramadan, par exemple, quand il a nié la question ou quand il a essayé de dire que la peine de l'apostasie, c'est quelque chose sur lequel il y a de la divergence. Donc, quand il a dit ça, il s'est basé sur la question de la femme. Et il a essayé de faire comprendre qu'il y a une divergence sur la question de l'apostasie, parce qu'il y a une divergence au sujet de la femme, est-ce qu'elle doit être exécutée ou non. Mais c'est tout, il y a une divergence à ce sujet-là, et non pas une divergence générale sur la question elle-même. De même que aussi la question de guerre, comme c'est connu dans les temps de guerre, on laisse tomber l'application des peines parfois. Donc c'est pas une règle générale, c'est un cas particulier. Donc c'est des choubouhat qu'il lance comme ça, faire croire aux gens qu'il y a des divergences, alors qu'il n'y en a pas sur la question elle-même, mais seulement sur des aspects de ce sujet-là. Donc on va lire qu'est-ce que le cheikh Ahmed al-Najmi il dit à ce sujet-là. Cheikh il dit المهم أن علماء المسلمين أجمعوا على قتل المرتد وإن اختلفوا في بعض الشروط ولذلك وقد اشتهر الخلاف في مسألتين من مسائل حكم الردة وهي المسألة الأولى الخلاف في قتل المرأة إذا ارتدت هل يجب قتلها كما يجب قتل الرجل فذهب الجمهور إلى أن المرتدة تقتل كما يقتل المرتد واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهو حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما واستدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فعموم من فعموم من في قوله من بدل دينه وعموم التارك في قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة تعم الذكر والأنثى ويجعلون هذا الحكم في النساء مخصصا أو مخصصا بالردة إذ أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء في الحروب وقال أبو حنيفة تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها وبه قول الثوري وحبس الحرة وأسنده إلى ابن عباس وهو قول عطاء وقول علي بن أبي طالب تسترق وقال عمر بن عبد العزيز تباع في أرض غير أرضها وقول الجمهور هو الصواب لعموم الأدلة للذكور والإناث. Donc le point numéro 1 c'est la question et le cheikh il dit que en général les ulama sont tous d'accord pour la peine de l'apostasie et qu'il doit être exécuté. Mais la divergence c'était au sujet de certaines des conditions par rapport à l'apostasie et les deux khilaf, les deux divergences les plus connues à ce sujet-là sont les divergences au sujet premièrement de la femme. Est-ce que lorsqu'une femme apostasie, elle doit être exécutée ou non? Est-ce que c'est obligatoire de la tuer ou de qu'elle soit exécutée de la même manière que l'homme? Et la majorité des ulama, ils ont l'opinion que la femme qui est apostate, elle doit être exécutée de la même façon que l'homme. Et ils se basent sur le sens général des textes comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque change sa religion, alors tuez-le ». Et également, bon, ça c'est un hadith sahih qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres également. Akhrajahu Muslim fi kitab al-jihad, wa akhrajahu Al-Bukhari fi kitab al-jihad wa sayr, bab la yu'adhabu bi'adhab Allah, wa akhrajahu fi kitab al-istitabat al-murtaddin, wa akhrajahu fi kitab al-i'tisam, wa akhrajahu al-Tirmidhi fi كتاب الحدود وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجة نعم يعني beaucoup d'autres également. Donc le cheikh il dit que ce hadith là il est rapporté par beaucoup de narrateurs. Il mentionne l'imam Muslim mais il n'est pas rapporté par, d'après ce que je vois dans le Tahrij, il n'est pas mentionné qu'il est rapporté par l'imam Muslim, mais uniquement par Al-Bukhari, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawood, et dans la Musnad, il est rapporté également dans la Musnad, et donc il est rapporté dans plusieurs livres de hadith et c'est un hadith qui est authentique, il n'y a pas de doute sur son authenticité et il se base également sur l'autre hadith qui dit لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. C'est-à-dire il n'est pas permis de faire couler le sang d'un musulman excepté pour une de ces trois choses. Soit un homme qui est marié qui commet l'adultère, une âme pour une âme, c'est-à-dire quelqu'un qui a tué quelqu'un, injustement, la peine c'est qu'il soit exécuté lui aussi, comme dans le talion, les lois du talion, un œil pour un œil, une vie pour une vie, et at-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'a, c'est-à-dire celui qui a abandonné sa religion et qui s'est séparé des musulmans. Donc ça c'est le deuxième hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud. Donc ce hadith là, ces deux hadiths là que le cheikh a mentionné font partie des preuves au sujet de la peine pour l'application de la peine de l'apostasie. Et le cheikh il dit que dans ce hadith là, les termes qui sont employés dans le hadith indiquent que c'est des termes généraux, yani qui concernent les hommes et les femmes. Il n'y a pas de preuve pour restreindre le verdict à un sexe en particulier par rapport à l'autre. Et ceux qui ont prétendu qu'il y a une distinction à faire entre l'homme et la femme dans la question de l'apostasie, ils se basent sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on tue les femmes dans les guerres. Donc si étant donné que c'est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit que les femmes soient tuées durant la guerre, donc ils se basent sur ça comme preuve que la femme apostate ne devrait pas être tuée. Toutefois, le cheikh mentionne que Abu Hanifa a dit que la femme qui est apostate, si elle est libre, elle doit être emprisonnée. Et si c'est une esclave, son maître doit la forcer à revenir. Et ça, c'est la position de l'imam Sufyan al-Thawri, qui dit que la femme qui est libre, elle doit être emprisonnée et non pas exécutée. Ça, c'est la position de Sufyan al-Thawri à ce sujet. C'est probablement sur ça que Tariq Ramadan se basait quand il faisait sa réponse, soi-disant, au salafi. Il parlait de la parole de Sufyan al-Thawri et il disait que c'était son opinion, qu'il n'était pas d'accord avec le fait que l'apostat devait être exécuté. Toutefois, on voit clairement ici que ça se limite à la question de la femme et non pas à la question de l'apostasie en elle-même. Et donc, c'est très important de faire une distinction justement à ce sujet-là pour comprendre que la divergence, c'est seulement au sujet de la femme et non pas au sujet du verdict lui-même de l'application de l'apostasie pour les hommes en général. Donc ça, c'est une forme de malhonnêteté, en fait, de présenter la question comme si c'était une divergence qui était générale sur ce sujet-là, alors que c'est une divergence qui est limitée à une question très spécifique au sujet de la question de l'apostasie en elle-même. Et il dit ensuite, le cheikh, que cette position-là, ça a été mentionné par Sufyan al-Thawri et c'est rapporté il a rapporté cette opinion-là de Abdullah ibn Abbas. Ensuite il dit, et c'est aussi la position de Atta et de Ali ibn Abi Talib, qu'elle doit être prise en esclave, c'est-à-dire la femme qui est libre et qui apostasie, elle devient esclave. Et Omar ibn Abdul Aziz, il a dit qu'elle doit être vendue dans un autre pays que son pays. Et la majorité des savants de l'islam, eux, ils disent que la position à prendre au sujet de la femme, c'est la même que celle de l'homme, et qu'il n'y a pas de différence entre le verdict de l'homme et de la femme en ce qui concerne l'apostasie. Les deux sont égaux et pareils dans cette règle-là. Hein? Donc ceux qui appellent à l'égalité de l'homme et de la femme, ils doivent être très content là, parce que dans cette règle-là, il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme. Donc, les gens qui appellent au féminisme là, ils devraient être contents à ce point-là, parce que ils ont l'égalité dans cette question-là. Ensuite, le cheikh, il dit al-mas'alatu thaniya, la deuxième question, au sujet de laquelle il y a une divergence, c'est la question de est-ce que l'apostat doit être, on doit lui donner un délai pour se repentir ou non. Donc, c'est la deuxième question. Le cheikh, il dit المسألة الثانية اختلفوا في استتابة المرتد هل يستتاب أم يقتل بدون استتابة فذهب الجمهور إلى أنه يستتاب مستدلين بالأثر الذي صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتاه رجل من العراق فقال له هل من مغربة خبر؟ قال نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال فما صنعتم به؟ قال قربناه وضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه اللهم إني أبرأ إليك مما صنعوا. هلا حبستموه 3 أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا وسقيتموه ماء ثم استتبتموه فإن تاب وإلا قتلتموه. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن بطال أنه قال اختلف في استتابة المرتد فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو رأي الجمهور وقيل يجب قتله في الحال وجاء ذلك عن الحسن وطاووس وبه قال أهل الظاهر قلت أي الحافظ ابن حجر نقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وبقصة معاذ رضي الله عنه انتهى كلامه. Donc ici dans la deuxième question, c'est il dit que il y a une divergence au sujet de l'apostat. Est-ce qu'il doit être est-ce qu'on doit demander, est-ce qu'on doit lui donner un délai pour se repentir ou non, ou bien est-ce qu'il doit être exécuté sur le champ sans être demandé de se repentir. Et la majorité des savants ont dit qu'il doit être donné un délai, on doit lui donner un délai, d'accord, et il se base sur le texte qui est rapporté authentiquement de Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Lorsque un homme est venu de l'Irak et Omar lui a demandé des nouvelles, est-ce qu'il y a des nouvelles, il lui a dit oui, il y a un homme qui a mécru après avoir accepté l'islam. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a demandé à cet homme, qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Et l'homme a répondu, nous l'avons ramené et nous l'avons frappé son cou, nous lui avons frappé le cou, c'est-à-dire on l'a exécuté. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, oh Allah, je me désavoue, je me désavoue auprès de toi de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire je suis innocent de ce que ces hommes, de ce que ces sahaba-là ont fait, ou bien de ce que les gens là-bas ont fait en tuant cet homme comme ça. Et il a dit par la suite à cet homme, pourquoi vous ne l'avez pas pris et pourquoi vous ne l'avez pas mis en prison pendant 3 jours ou bien retenu pendant 3 jours en lui donnant quelque chose à manger et en lui donnant de l'eau pour boire et en lui demandant de se repentir. Et si il lui donnait le choix soit de se repentir ou s'il refusait de se repentir, dans ce cas-là, vous allez l'exécuter. Donc c'est comme pour les blâmer du fait que ils n'ont pas donné à l'homme un délai ou une période de temps pour pouvoir se repentir. Et cette athar, elle est rapportée par Al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra. Donc, pour ceux qui veulent retourner, c'est dans le volume 8, à la page 206, le hadith numéro 6664 de l'édition 1414. Donc ça c'est au sujet de cette parole de Omar ibn al-Khattab. Ensuite il mentionne les paroles de Al-Hafidh ibn Hajar dans Al-Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, et il mentionne les paroles de Ibn Battal, qui est un des savants de l'islam. Et Ibn Battal a dit, les gens ont divergé au sujet de l'apostat, est-ce qu'on doit lui donner un temps pour se repentir? Et certains ont dit, on lui donne un délai pour se repentir, et s'il se repent, tant mieux, sinon il est exécuté. Et c'est la position du Jumhur. Et quand on dit Jumhur, c'est la plus grande portion des savants, la majorité des savants. Et si on dit, et d'autres savants ont dit, qu'il est obligatoire de l'exécuter sur le champ, et ça c'est rapporté selon Al-Hassan al-Basri et Tawus et les gens du Zahir, Al-Zahiriya, eux ont dit cette opinion-là eux aussi. Et ensuite Ibn Hajar il dit, et c'était rapporté selon Ibn al-Munzir, selon Mu'adh et Ubayd ibn Umair, et c'est également supporté par en fait, qu'est-ce qu'il dit, c'est que Al-Bukhari, le titre que Al-Bukhari a donné comme à ce chapitre-là indique que c'est également sa position, parce qu'il a montré les versets qui parlaient de l'apostasie, et il n'y a pas de mention dedans de le fait de demander à la personne de se repentir. Et il y a la mention dans ces versets-là que la repentance ne lui sera d'aucune utilité et également par le sang, il s'est basé également sur le, ou, il a utilisé comme preuve également le sens général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque change sa religion alors exécutez-le ou tuez-le. Et ça c'est dans l'histoire égale, et aussi il se base aussi sur l'histoire de Mu'adh ibn Jabal qu'on va mentionner inshallah tout de suite après. Donc en voulant dire que, étant donné que l'imam al-Bukhari a mentionné ces choses-là dans le début du chapitre dans son livre Sahih al-Bukhari, l'imam ibn Hajar dit que ça c'est une preuve que al-Bukhari il est de cette opinion-là lui aussi, qu'il n'est pas d'accord avec le fait de donner un délai à l'apostat. Toutefois, Cheikh Ahmed al-Najmi il répond à ça et il explique que c'est pas du tout vrai, et que il y a des, même dans le verset en question que l'imam al-Bukhari a mentionné, il y a la mention justement de l'apostasie et de la repentance, pardon. Là, le cheikh il mentionne, il explique ça. Il dit: قلت أما كون البخاري لا يرى الاستتابة فهذا فيه نظر لأن الآيات الأولى وهي قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إلى أن قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون والآية في من استمر على الكفر حتى الموت وذلك سائر وكذلك سائر الآيات لا تقتضي منع التوبة عن من أرادها وطلبها ولكن تقتضي العقوبة لمن كرر الكفر بخذلانه حتى يموت على الكفر فيستحق العذاب. أما قصة معاذ فخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى إلى اليمن وأتبعه معاذ قدم معاذ على أبي موسى فألقى له أبو موسى وسادة وقال انزل فإذا رجل عنده موثق فقال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم تهود وفي رواية ثم رجع دينه السوء. قال اجلس. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر بقتله فأمر به فقتل. Donc le cheikh il dit que les paroles de Al-Bukhari n'indiquent pas du tout qu'il n'est pas d'accord avec le fait de demander à la personne de se repentir et de lui donner un délai, parce que les premiers versets qui sont mentionnés dans le verset en question, c'est les versets de Surat Ali Imran, versets 86 à 90. Dans ces versets-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit: et comment Allah subhanahu wa ta'ala guiderait un peuple qui ont mécru après avoir eu la foi et qui ont témoigné que le messager était véridique, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise un peu plus loin, sauf ceux qui se sont repentis après cela et qui se sont réformés, alors Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Ça c'est le verset 89. Et ceux qui ont mécru après leur foi puis ont augmenté en mécréance, ceux-là, leur repentance ne sera pas acceptée et ceux-là seront les égarés. Donc le cheikh il dit dans ce verset-là, on voit que les gens dont la repentance ne sera pas acceptée, c'est ceux qui ont persisté dans la mécréance jusqu'à ce qu'ils meurent, hein, qui ont mécru après la foi et qui sont restés mécréants jusqu'à leur mort. Ça c'est ceux-là dont Allah ne va pas accepter la repentance. Après il dit وَكَذَلِكَ سَائِرَ الْآيَاتِ لَا تَقْتَضِي مَنْعُ التَّوْبَةِ. Donc il dit de même que tous les autres versets n'impliquent pas l'empêchement qu'une personne se repente lorsqu'elle a voulu se repentir et lorsqu'on lui demande de se repentir, mais ces versets-là indiquent uniquement que les personnes qui auront répété plusieurs fois leur mécréance, ils auront comme châtiment que quand ils meurent dans la mécréance, ils vont mériter l'enfer. En ce qui concerne l'histoire de Mu'adh ibn Jabal, en résumé, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen Hein? En fait, il avait envoyé Abu Moussa au Yémen, et puis ensuite, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal pour le rejoindre. Et donc, Mu'adh ibn Jabal est arrivé, il a trouvé Abu Moussa. Et Abu Moussa a mis un tapis par terre pour Mu'adh ibn Jabal pour qu'il s'assoie. Et lorsque Mu'adh ibn Jabal est venu pour s'asseoir, il a vu un homme qui était attaché. Ils lui ont demandé, Mu'adh a demandé pourquoi cet homme est attaché. Et Abu Moussa a répondu que c'était un juif. Cet homme-là était juif, il s'était converti à l'islam, puis il est retourné au judaïsme. Et dans une autre narration, puis il est retourné à sa mauvaise religion. Et yani Abu Moussa al-Ash'ari a dit à Mu'adh ibn Jabal, assis-toi. Et Mu'adh ibn Jabal a dit, je ne vais pas m'asseoir jusqu'à ce qu'il soit exécuté. C'est le décret d'Allah et de son messager. Alors il a ordonné qu'il soit exécuté et il a été exécuté. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est un autre hadith authentique qui prouve que la peine dans l'islam pour celui qui apostasie sa religion c'est qu'il soit exécuté. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cette narration-là, Tariq Ramadan ne l'a même pas mentionné lorsqu'il a parlé de la question de l'apostasie. Donc c'était, ça c'est une des preuves qui sont claires justement à ce sujet-là. Naam, donc on continue inshallah l'explication à ce sujet. Le cheikh il dit وقد استدلوا وقد استدل بهذه القصة من لا يرى الاستتابة ولكن بجمع الطرق أو بجمع طرق الحديث يتبين أنه ليس فيه دليل على عدم الاستتابة وفورية التنفيذ لأنه ذكر أنهم كانوا قد استتابوه من مدة قبل مجيء معاذ فأبى أن يعود إلى الإسلام وذلك فيما ذكره الحافظ في الفتح بقوله ولأحمد من طريق أيوب عن حميد ابن هلال عن أبي بردة قال قدم معاذ ابن جبل على أبي موسى فإذا رجل عنده فقال ما هذا فذكر مثله وزاد ونحن نريده على الإسلام منذ أحسبه شهرين وقد ذكر ابن عبد البر الأثر عن عمر من طرق وفي بعضها أنهم جماعة وروى عن علي بن أبي طالب أنه أتي بالمستورد العجلي وقد ارتد عن الإسلام فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله وفي رواية أنه عرض عليه الإسلام شهرا فأبى فأمر بقتله وقال ابن عبد البر لا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد وفي هذا الحديث وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وإنما اختلفوا في استتابته فطائفة منهم قالوا لا استتابة على ظاهر هذا الحديث وقلت يعني مرسل زيد بن أسلم من غير دينه فاضرب عنقه وطائفة منهم قالوا يستتاب ساعة واحدة ومرة واحدة ووقتا واحدا وقال آخرون يستتاب شهرا وقال آخرون يستتاب ثلاثا على ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ولم يستتب ابن مسعود ابن نواحة وحده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنك رسول لقتلتك وقال له يعني ابن مسعود أنت اليوم لست برسول واستتاب غيره. نعم. Donc ici le cheikh il dit que les savants ont utilisé cette narration qu'on a mentionnée, l'histoire de Mu'adh et de Mu'adh ibn Jabal avec Abu Moussa, pour certains ont utilisé ça comme preuve pour dire qu'il n'y a pas de délai pour demander à la personne de se repentir. Mais lorsqu'on réunit toutes les narrations qui sont rapportées à ce sujet-là et toutes les chaînes de narrateurs à ce sujet-là, on remarque en réalité qu'ils n'ont pas de preuve pour nier qu'il y a un délai pour que la personne se repente, et ils n'ont pas de preuve pour dire que le verdict de la peine de l'apostasie doit être exécuté sur le champ. Pourquoi? Parce que on voit que dans d'autres narrations de ce hadith-là, il y a la mention que il y avait une période de temps entre le moment où les sahaba avaient attrapé cet homme-là et qu'ils l'avaient arrêté, et le moment où Mu'adh ibn Jabal était arrivé au Yémen. Donc, durant cette période, il avait eu le temps de lui demander de se repentir à l'islam. Et dans une des narrations qui est mentionnée dans Al-Fath, justement, c'est selon Ahmad ibn Hanbal, une narration que l'imam Ahmad a mentionnée, selon Ayyub, selon Humayd ibn Hilal, selon Abi Burda, il dit que lorsque Mu'adh ibn Jabal est arrivé et qu'il a vu Abu Moussa, il a vu cet homme-là près de lui, il lui a demandé qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est cet homme, et on lui a mentionné dans cette narration-là que il dit on voulait le faire revenir à l'islam, et je pense environ depuis 2 mois qu'il était arrêté. C'est mentionné comme ça dans le texte. Donc, c'est pour dire. Hein. Et après, le cheikh il dit également, Ibn Abdul Barr, l'auteur de At-Tamhid, hein, celui qu'on appelle Al-Bukhari de l'Andalousie, il dit, cet imam dans son livre, que il y a la narration de Omar. Il y a également une narration de Omar qui est rapportée selon différentes chaînes, les différentes voies. Et dans certaines de ces narrations-là, il mentionne qu'ils étaient un groupe de personnes qui avaient apostasié également. Et c'est rapporté également selon Ali ibn Abi Talib qu'on lui a ramené un homme qui s'appelait Al-Ajali, et il avait apostasié l'islam. On lui a demandé de se repentir, il a refusé. Donc il a été exécuté, et dans une narration, c'est écrit qu'on lui avait présenté l'islam pendant 1 mois, et il a refusé de revenir, et donc il a été exécuté. Donc ça, ensuite, Ibn Abdul Barr il dit, et je ne connais pas de divergence entre les sahaba au sujet du délai pour la repentance de l'apostat. Donc il dit qu'il ne connaît pas de divergence entre les sahaba. La cause du désaccord, c'est juste la divergence au sujet du hadith lui-même. Est-ce que ceux qui prennent le hadith dans son sens apparent, ils disent qu'il n'y a pas de délai, tandis que ceux qui retournent et qui regardent les autres actions des sahaba qui ont été, comment ils ont appliqué ce verdict-là, on voit qu'il y a toujours eu un délai après l'apostasie d'une personne. Et donc le cheikh il dit ensuite, et dans le hadith, celui qui a apostasié de sa religion, son sang et il dit son sang est halal et on doit l'exécuter. Doribat unuqu, ça veut dire son cou est frappé, dans le sens que on doit l'exécuter avec l'épée. Et ça, il dit que la Ummah est d'accord et sont tous d'accord là-dessus. Il y a un consensus à ce sujet-là. Et ils ont uniquement divergé au sujet de la question du délai pour que la personne se repente. Est-ce qu'il doit en avoir un ou non? Et un groupe d'entre eux a dit non, il n'y a pas d'istitab, il doit tout de suite être exécuté. Et il se base sur le sens apparent de la narration qui est rapportée par Zayd ibn Aslam. Quiconque change sa religion, alors frappez-lui le coup. Et un autre groupe, parmi les ulama, on dit non, il doit être, on doit lui demander de se repentir une heure, un moment, hein, un seul moment, et c'est-à-dire une seule fois. Hein. Sinon, il est exécuté. Et d'autres savants ont dit non, on doit lui donner un délai de 1 mois. Et d'autres savants ont dit non, on doit lui donner un délai de 3 jours. Et ça, c'est ce qui a été rapporté selon Omar ibn Khattab, Osman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib et Ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud n'avait pas donné de délai de repentance à Ibn Nawaha, à lui en particulier seulement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu n'étais pas un messager, je t'aurais fait exécuter. Et donc, quand il est revenu par la suite, Abdullah ibn Mas'ud l'a fait exécuter parce qu'il lui a dit, aujourd'hui tu n'es pas un messager, et donc il l'a fait exécuter. Et ça c'est rapporté par Ahmad, hein, dans la Musnad d'Abdullah ibn Mas'ud, et il est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Abi Dawood, et il est rapporté également par Al-Hakim dans Al-Mustadrak et également par Ad-Darimi. Donc ça c'est cette narration là et si je ne me trompe pas, Ibn Nawaha c'était un des gens qui avaient suivi Musaylama Al-Kadhab, celui qui s'était prétendu faussement un prophète. Ensuite, donc, le cheikh, il dit, والآن أعود إلى ما قرره الإخوان المسلمين على لسان مرشدهم مصطفى مشهور ومنذريهم من حرية الاعتقاد الخاص ومقتضى ما قرروه أنه يجوز لكل فرد أن يعتقد عقيدة الإسلام إذا شاء وعقيدة اليهودية إذا شاء وعقيدة الإلحاد إذا شاء إلى غير ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يتعرض عليه أو أن يحكم عليه بحد أو غيره ومقتضى ذلك أيضا أنه يجب أن نشطب على كتب المرتد ونلغي حكمه من كتب الحديث والفقه لأنه لا فائدة لبقائه على ما قرره الإخوان فهل رأيت أخي المسلم إسفافا في الجهل والتهتك أشد من هذا الإسفاف وخروجا عن تعاليم الدين أشد من هذا الخروج ولعلهم قالوا ذلك تأسيا بالحلول الملحد ابن عربي الذي يقول عقد الخلائق في الإله عقائد وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه ويقول لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني لقد صار قلبي قابلا لا صورة لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالدين ديني وإيماني. انتهى كتاب من كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله. Donc le cheikh il dit, maintenant on retourne à ce que les Ikhwan ont affirmé dans leur lettre qu'ils ont écrit et qui a été signé par leur guide spirituel, leur chef Mustafa Mashour, et un groupe de leurs membres importants qui ont mentionné qu'ils croyaient en la liberté de croyance de l'individu. Et qu'est-ce que ça implique, comme on l'a expliqué déjà, c'est que chaque personne a le droit de croire en ce qu'il veut, soit en la croyance de l'islam, ou bien la croyance juive, ou bien la croyance de l'athéisme, à croire en l'athéisme, ou d'autres croyances d'égarement de ce genre. Et que personne n'a le droit de s'opposer à lui, ou d'appliquer sur lui un verdict d'une punition quelconque. Et donc, qu'est-ce que ça implique, ça, de dire ça? Ça implique qu'on doit absolument barrer et éliminer des livres de fiqh et de hadith le chapitre qui parle de l'apostat dans l'islam. Hein, et qu'on doit annuler ça, et peut-être même, le cheikh il a dit seulement ça, mais peut-être même qu'il voudrait aussi effacer les versets qui parlent de questions de foi et de tawhid et de la mécréance des gens qui quittent l'islam ou qui ont dévié de la croyance de l'islam. Hein, bien entendu, ils ne peuvent pas faire ça parce que c'est des choses claires et établies, mais peut-être que dans leur cœur, ils rêveraient de pouvoir arriver à faire ça s'ils en étaient capables. Wallahu al-musta'an. Et le cheikh il dit, si ces gens-là affirment ces choses-là, eh bien ça impliquerait qu'ils croient que ces chapitres-là dans les livres de fiqh et de hadith n'ont aucune utilité. Donc le cheikh il dit, est-ce que vous voyez une attitude aussi grave que ça dans l'ignorance, et plus grave que ça dans la façon de sortir des enseignements de la religion musulmane, plus grave que cette façon d'agir de la façon des ikhwan qui veulent complètement déformer la réalité de la religion? Le cheikh il dit, probablement qu'ils ont dit cette chose-là parce qu'ils se basent sur les enseignements du Hululi, du Mulhid Ibn Arabi, le Soufi, égaré, hérétique, qui croit que tout est Dieu et que Dieu est tout, et qui mélange complètement le Créateur et la créature, et qui nie même toute distinction entre le Créateur et la créature. Il dit dans un de ses poèmes que les croyances de toutes les créatures sont mes croyances à moi, et j'ai cru en toutes ces croyances-là. Hein? Donc il dit cette chose-là dans un de ses poèmes. Il dit également, auparavant, je désapprouvais mon compagnon qui n'avait pas la même religion que moi. Mais maintenant, mon cœur accepte toutes les différentes images, que ce soit un prêtre ou un moine dans son monastère, ou bien les idoles qui sont adorées dans un temple, ou bien la Kaaba autour de laquelle les gens tournent, ou bien les pages de la Torah, ou bien les pages du Coran. Tout ça pour moi maintenant, c'est pareil. Et puis il dit, maintenant je suis la religion de l'amour, et peu importe où se dirigent les gens qui suivent une religion, alors c'est ma religion et ma foi. Donc c'est comme s'il est en train de dire que sa religion, c'est la religion de tout le monde, et que toutes les croyances pour lui sont bonnes et sont acceptables et sont valables. Et ça c'est tiré du livre « Hadihi hiya Sufiya » de Abdurrahman al-Wakil, qui était un des chouyours de l'Égypte à l'époque, qui était parmi les chouyours de Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya en Égypte. Et il a écrit ce livre « Hadihi hiya Sufiya ». Voici le soufisme. Et dans ce livre-là, il a vraiment clairement démasqué toutes les croyances d'égarement et hérétiques du soufisme. Et parmi leurs croyances, c'est la croyance en l'unification des religions, et que toutes les religions sont bonnes et sont pareilles. Et Abdurrahman al-Wakil, quand il a écrit ce livre-là, il en parle en connaissance de cause, puisque lui-même, avant d'être salafi et avant d'avoir accepté la aqidah du tawhid et de la sunna, il faisait partie lui-même des soufis et des asha'ira. Donc il connaît très très bien cette voie, et il connaît bien ses égarements. Et donc il a vraiment clairement expliqué l'égarement des soufis avec connaissance de cause. Et ensuite le cheikh il dit, وقال الوكيل رحمه الله تحت عنوان وحدة الأديان آمنة الصوفية أن الله سبحانه وتعالى هو عين خلقه هذه الأسطورة أسطورة وحدة الوجود استلزمت عند الصوفية الإيمان بوحدة الأديان سواء منها ما نسجته عناكب الأوهام أو افترته أساطير الخيال وفارت به الشهوات أو ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسله قلت لو آمنوا بما أوحاه الله إلى رسله لم يقولوا بوحدة الوجود ولا وحدة الأديان وإنما أوقعهم في ذلك الجهل بما أوحاه الله جل وعلا إلى رسله. Donc le cheikh il dit ici que le cheikh Abdurrahman al-Wakil, il a écrit sous le titre l'unification des religions. Il dit que les soufis croient que Allah subhanahu wa ta'ala est lui-même sa création. Hein, c'est-à-dire il croit que le Créateur c'est lui-même la créature, hein. Et ça fait partie des mensonges qu'ils ont inventés, et c'est-à-dire la croyance en Wahdatul Wujud. Et dernièrement j'ai envoyé un texte sur mon groupe par rapport aux idées de Tariq Ramadan, et j'ai mentionné justement les citations dans ces conférences où il exprime cette croyance et cette idée que Dieu est tout et que tout est Dieu, hein, et ainsi de suite. Et j'ai clarifié la réfutation de ces idées-là, et que ça c'est la croyance des égarés parmi les hérétiques soufis qui prétendent ces croyances-là, et c'est en même temps c'est des croyances qu'ils ont tirées ou qu'ils ont copiées chez les bouddhistes et chez les hindous, hein, qui croient au panthéisme et que tout est Dieu et que tout ce qu'ils adorent comme idole fait partie de Dieu, ainsi de suite. Donc ça, ça fait partie de leur égarement également, et les chrétiens ont ces croyances-là, et même les juifs. Donc ça, c'est des croyances qui sont contraires à la croyance des prophètes et contraires à la religion des prophètes, et en particulier le dernier des prophètes, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elles sont réfutées, ces croyances-là, par le Coran et par la Sunna, bien sûr. Donc le cheikh, il dit que tout ça, ces croyances en wahdatul wujud et en l'unification des religions, et ainsi de suite, ça, en réalité, tout ça, ça vient des fausses illusions, des mensonges, de l'imagination de certains qu'ils ont inventés, qui suivent leur passion, et ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à son message, à ses messagers. Et il dit ensuite, si ils avaient cru, ces gens-là, s'ils avaient vraiment cru à ce que Allah a révélé ainsi que ses messagers ont enseigné, en ce que ces messagers ont enseigné, ils n'auraient jamais cru en l'unicité de l'existence, wahdatul wujud, ou bien en l'unicité des religions. Mais c'est l'ignorance qu'ils ont qui les a fait tomber dans ce genre de croyances-là, parce qu'ils ignorent la révélation qu'Allah a donnée à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shaykh, il dit, وَقَالْ وَلِهَدِهِ وَلِهَدَا آمَنَا الصُّفِيَّةَ سلفهم وخلفهم بأن الإيمان والتوحيد عين الكفر والشرك وبأن الإسلام على هداه وقدسي على هداه وقدسه عين الدين المجوسي في ضلاله ورجسه. ثم أورد الأبيات السابقة لابن عربي وعزاها إلى شرح الفصوص لعبد الرحمن جامي والأبيات الأخيرة إلى دخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي إلى أن قال في صفحة 96 والإيمان الجليلي بوحدة الوجود آمن بوحدة والإيمان الجليلي بوحدة الوجود آمن بوحدة الأديان. أسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى ومالي عن حكم الحبيب تنازع فورا تراني في المساجد راكعا وإني طورا في الكنائس راتع فإني إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة طائع. Donc ici le cheikh, il dit que le cheikh Abd al-Rahman al-Wakil, il dit que les soufis, pour eux, que ce soit les premiers ou les derniers, ils croient que le tawhid, c'est en réalité le kufr et le shirk, et que l'islam, avec sa guidance et sa droiture et sa guidance et sa sainteté, en fait, sa sainteté, c'est en réalité pour eux la religion des Majus dans son égarement et dans son impureté. Donc c'est pour dire que pour eux, la religion du tawhid et la foi, c'est le contraire de l'islam. Pour eux, le kufr, pour eux, le shirk et le kufr, c'est l'islam. Et l'islam, c'est le kufr, vice versa. Pour eux, c'est comme s'ils ont inversé la religion de l'islam. Parce que même Ibn al-Arabi, il disait ça. Il disait que le tawhid, c'est de croire que tout ce qui existe, c'est Dieu. Hein? Et que Dieu, c'est la création. Et que la création, c'est Dieu. Et ceux qui sont des mouchriquins, c'est ceux qui voient plusieurs existences. Hein? Donc si tu distingues, il dit que les idolâtres, ils sont devenus des mouchriquins. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas que leurs idoles, c'était Allah. Mais s'ils croyaient que leurs idoles étaient Allah, dans ce cas-là, ils disent que dans ce cas-là, sinon, ils auraient été des croyants. Donc c'est pour vous dire qu'ils inversent la religion à l'envers, et pour eux, ils justifient le shirk dans le sens que s'ils croient qu'en adorant ces idoles-là, ils adorent Allah, dans ce cas-là, c'est acceptable pour eux. Allah nous ta'ala. Donc ça, c'est des exemples. Et tous ces vers-là qu'on a mentionnés, c'est de la poésie, c'est exprimé en poème, hein, parce que les soufis, ils écrivent souvent en forme de poésie, justement pour pouvoir exprimer leurs idées de ces façons-là, pour que les gens comprennent pas, parfois. Parce que quand c'est récité en poésie, puis c'est dit de façon symbolique, les gens vont dire, ah, mais non, ça c'est des paroles symboliques, il faut pas le prendre littéralement, hein. Et ça c'est une de leurs ruses qu'ils utilisent souvent. C'est que c'est des proses et c'est des poésies et donc c'est symbolique, il faut pas croire que c'est vraiment ce qu'ils voulaient dire. Toutefois, on sait très bien, quand on connaît les soufis et quand on connaît leurs croyances, que c'est exactement ce qu'ils croient et que c'est exactement ce qu'ils expriment et c'est pas du tout quelque chose de symbolique ou allégorique qu'il essaie de prétendre. Donc le cheikh ensuite il dit wa aslamtu nafsi haythu aslamani al-hawa, hein, il mentionne d'autres vers qui ont été attribués à Ibn al-Arabi et qui expriment aussi wahdatul wujud. Et il y a inchallah il y a un texte que je vais envoyer bientôt inchallah si j'ai la chance de le terminer qui va montrer encore plus clairement ces idées-là que ces gens-là ont en la croyance des Jahmiya et la croyance des Jabriya également, et qui croient que yani, tout ce qui se produit dans l'univers c'est basé sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'ils pensent que Allah veut le kufr et le shirk, dans le sens qu'il aime le kufr et le shirk. Yani, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se produit dans l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a permis que ces choses-là se produisent, que ce soit le bien ou le mal, le kufr et le shirk. Allah a voulu que le shaitan existe, Allah a voulu que le péché existe, mais ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime ces formes de shirk et de kufr. Non. Donc, il faut faire la distinction entre al-irada al-kawniya et al-irada al-shar'iyya. Al-irada al-kawniya, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait que tout ce qui existe, et c'est ce qu'Allah a créé, et tout ce qu'il a créé, c'est parce que c'est selon sa volonté, et il n'y a rien dans l'univers qui peut arriver sauf sans sa volonté. Toutefois, al-irada al-shar'iyya, c'est la volonté qu'Allah a exprimée par l'intermédiaire de ses messagers dans la révélation. Et ça, c'est la volonté qu'il veut pour ses serviteurs et pour le fait qu'il leur donne aux gens de faire ce qu'il leur donne, et il interdit aux hommes de faire ce qu'il interdit, et qu'il aime le bien et qu'il déteste le mal. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-irada al-shar'iyya, la volonté qu'Allah nous a fait connaître par sa révélation. Ceux qui ne font pas la distinction entre ces deux volontés-là, ils tombent automatiquement dans l'égarement. Et ça, vous allez voir clairement cette chose-là, inshallah, dans le texte que je vais envoyer bientôt, bi'idhnillah. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce poème qui est mentionné à la page 96 du livre du Cheikh Abdurrahman al-Wakil, qui s'appelle Hazihi al-Sufiyya? Il dit: je me soumets à mon âme peu importe où elle m'apporte. C'est-à-dire, peu importe où la passion m'amène, je me soumets et je la suis. Hein? Et je n'ai pas à disputer le verdict du bien-aimé à ce sujet-là. Donc, c'est comme s'il essayait de dire que tout ce qu'il a dans son âme de passion et de désir, il le suit, et il s'imagine que ça, c'est le verdict de Al-Habib, hein, de Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens-là, il croit que ça c'est Allah qui le pousse à suivre ses passions et que c'est quelque chose que Allah lui impose. Ensuite, il dit: peut-être que tu vas me voir me prosterner dans une mosquée, ou bien tu vas me voir dans une église, hein, ou bien des choses de ce genre. Donc il dit: soit que tu vas me voir me prosterner dans une église, ou bien dans une mosquée. Yanni, c'est pas grave. Et il dit: si je suis selon la charia, si je suis dans le péché en faisant ça, mais dans la connaissance de Al-Haqiqa, je suis obéissant. Donc c'est qu'est-ce qu'ils appellent les soufis. Ils divisent entre la charia et la haqiqa. Et ils disent: nous les soufis, quand on a atteint un certain niveau, un certain degré de spiritualité, on n'a plus besoin de suivre la charia parce que on est dans la réalité divine, dans Al-Haqiqa. Et donc, on est on est excusé de suivre la charia à ce moment-là. Et donc, on peut adorer Allah partout et adorer Dieu de n'importe quelle façon sans se limiter à la charia. Donc ça, c'est l'égarement de ces soufis-là. Et ça, ils ne le disent pas ouvertement aux gens lorsqu'ils parlent du soufisme. Ils ne le disent pas parce que c'est un secret chez les soufis. Ils le disent seulement après que tu sois initié, bien entré dans le lavage de cerveau des soufis. Là, après, tu découvres ces choses-là par la suite. Le cheikh il dit ensuite, pour terminer ce point, « يقول مفسرا لا إله إلا الله يعني الإلهية المعبودة ليست إلا أنا » الله المستعان. إذا يقول مفسرا لا إله إلا الله يعني الإلهية المعبودة ليست إلا أنا فأنا الظاهر في تلك الأوثان والأفلاك والطبائع وفي كل ما يعبده أهل كل ملة ونحلة فما تلك الآلهة إلا أنا وعز الأبيات إلى إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة وعز تفسير لا إله إلا الله إلى كتاب الإنسان الكامل للجيل وتراه يصور عبادة الأصنام وعبادة الأفلاك لأن هذه الأشياء التي عبدت ما هي إلا ذات الله متعينة في تلك الصور مسمات تلك الأسماء بتلك الأسماء ومسمات بتلك الأسماء أي حسب زعمهم المعكوس والمنكوس. Le cheikh il dit que également ils ont interprété la ilaha illallah en disant toute chose qui est adorée n'est autre chose que moi en apparence dans qu'est-ce que vous voyez dans ces idoles, dans ces étoiles et dans la nature. Qu'est-ce que les gens adorent dans toutes les religions et dans toutes les sectes n'est autre chose hein, en réalité que l'adoration de moi. Hein? Donc, c'est comme s'ils essaient d'interpréter ou de dire que tous les gens qui adorent d'autres qu'Allah dans la création, en réalité, ils adorent Allah à travers ces choses-là, donc ils sont sur une bonne croyance. C'est ça, ils essaient de dire donc que là, ça c'était mentionné dans leur livre, dans le livre des soufis, Iqad al-Himam fi Sharh al-Hikam de Ibn Ajiba, et également la définition de la ilaha illallah dans le livre Al-Insan al-Kamil. Donc, dans le poème, c'était dans le livre de Ibn Ajiba, et la définition de la ilaha illallah chez les soufis, c'est dans le livre Al-Insan al-Kamil de Al-Jili. Et vous voyez qu'il essaie de dire que l'adoration des idoles, elle est valable et elle est bonne. Et que l'adoration des étoiles aussi, quand ces gens-là, ils adorent ces choses-là, ils s'imaginent qu'ils sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces choses-là. Et donc ils disent souvent, vous entendez ces gens-là dire, peu importe qu'est-ce que vous adorez, on adore tous Dieu à la fin, c'est ça l'important. Donc ils justifient le shirk des mushrikines de cette façon-là. Et donc, c'est en se basant là-dessus qu'ils disent que les hommes ont la liberté de croyance, puis l'unification des religions, ainsi de suite. Et ça, c'est bien entendu des idées, des croyances hérétiques, des croyances de kufr. Le cheikh, il dit, « فَتَأَمَّ الْقَوْلَ الْإِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ فِي مِصْرِ بِحُرِّيَةِ الْاَتِقَادِ الْخَاصِ وَحُرِّيَةِ التَّعَبُّدِ ووازن بين قولهم هذا وقول ملاحدة الصوفية بوحدة الأديان ترى أن الإخوان المسلمين مقلدون لأولئك الملاحدة ومقتبسون منهم ومقتفون آثارهم إلا أنهم غيروا العبارة فبدلا أن يقولوا نؤمن بوحدة الأديان قالوا نؤمن بحرية الاعتقاد الخاص من أجل أن تختلف العبارة فلا ينكر عليهم ومع أن المعنى واحد وهو أن الأديان كلها صحيحة فخذ ما شئت ودع ما شئت فهذا أسلوب من أخبث الأساليب من أخبث أساليب المكر والتضليل والخداع لسلخ المسلمين من إسلامهم وإدخالهم في العقيدة النصرانية أو غيرها من العقائد المنحرفة الضالة ولما لمس أصحاب الديانة النصرانية أن كهنة الصوفية يقولون بوحدة الأديان طمعوا في استمالة قلوب المسلمين إليهم تحت مظلة وحدة الأديان أو تقارب الأديان أو سماها أو سميها ما شئت والإخوان المسلمون يحسبون أنفسهم من الدعاة إلى الإسلام وإذا قالوا بحرية الأديان لم يبق للدعوة إلى الإسلام معنى. Donc le cheikh il dit, et méditez bien sur la parole des Ikhwan al-Muslimin en Égypte quand ils disent qu'ils croient en la liberté de croyance de l'individu et la liberté de l'adoration. Et comparez ça et mettez-le dans la balance pour comparer quand ils disent par rapport, comparez ça avec la parole des soufis hérétiques qui croient en l'unicité des religions. Et vous voyez clairement que les Ikhwan al-Muslimin sont en train de suivre la voie des hérétiques parmi les soufis. Et ils suivent cette tendance-là et cette voie-là. Et donc, la seule différence, c'est qu'ils ont changé la façon de l'exprimer. Au lieu de dire l'unicité des religions, ils disent la liberté de croyance individuelle. Et même si les expressions sont différentes, ça ne change rien à la réalité. La signification, c'est la même. Mais ils ont changé l'expression juste pour pas qu'on les dénigre, pour pas qu'on désapprouve ce principe-là de leur part. Mais le résultat, c'est le même. C'est pour dire que pour eux, toutes les religions sont bonnes et valables. Prends qu'est-ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Et ça, c'est une des pires façons et une des pires méthodes de ruse et d'égarement pour tromper et faire sortir les musulmans de leur islam et les faire rentrer dans la aqida des chrétiens ou d'autres parmi les croyances d'égarement et de déviation. Et lorsque les chrétiens ont réalisé que les soufis appelaient à la croyance en l'unicité des religions, ils ont souhaité faire pencher le cœur des musulmans vers cette croyance-là. Sous le parapluie ou sous le parasol de l'unicité des religions et du rapprochement entre les religions, et appelez-le comme vous voulez, c'est pas grave, c'est la même chose. Donc les Ikhwan, ils se prétendent comme étant des gens qui veulent appeler à l'islam, mais lorsque quelqu'un commence à appeler à la liberté de religion, il ne reste plus aucune signification à l'appel de l'islam que ces gens-là prétendent faire. Donc, c'est très important donc de comprendre ça. Et c'est pour ça que vous voyez les koufars parmi les chrétiens et les juifs qui sont toujours en train de se rapprocher des soufis et commencer à faire des réunions et des dialogues avec les soufis pour essayer de se rapprocher d'eux justement pour que les musulmans, tous les autres musulmans, se mettent derrière les soufis pour les suivre dans leur croyance en l'unicité des religions. Moi, j'ai rencontré des soufis ici, même à Montréal, et il y en a un qui me disait ça justement. Ouais, moi, je vais prier dans les églises. Les chrétiens, c'est des croyants, les juifs, c'est des croyants. Donc, pour eux, toutes les religions sont bonnes. Tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut parce que pour eux, toutes les croyances sont valables. Et bien entendu, ça, c'est contraire à l'islam puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée d'eux et ils seront dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ça, c'était le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah, je m'excuse de ne pas l'avoir fait ce matin parce que j'étais incapable de le faire ce matin. Et dimanche, je ne serai pas là, donc c'est pour ça que je voulais le faire absolument aujourd'hui. Toutefois, demain, Inch'Allah, le cours aura lieu comme prévu bi'idhnillah, et le cours du lundi aura pas lieu parce que lundi c'est l'Aïd, bien entendu, inshallah. Donc inshallah, à demain bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.